L'engouement autour des musiques électroniques dans leur délimitation techno-house et de leurs expressions festives semble vivre une ébullition sans précédent. En réaction à cette croissance considérable, le nombre d'acteurs du secteur a explosé et l'on voit partout éclore de nouveaux organisateurs, labels, artistes ou collectifs dont certains nourrissent l'ambition de transcender la pratique récréative pour en faire leur métier. Cependant, l'activité professionnelle sur le marché des musiques électroniques est souvent associée à une certaine précarité et la scène française semble toujours à la traîne par rapport aux Pays-Bas, à l'Angleterre ou à la Belgique. Les jeunes acteurs du milieu craignent de ne pouvoir vivre de leur activité et hésitent à s'engager pleinement sur ce chemin brumeux. Alors le marché des musiques électroniques françaises offre-t-il pour ces acteurs de vraies perspectives de professionnalisation? Ne souffre-t-il pas lui-même d'un manque de structure? Et que font les institutions publiques pour consolider le développement du secteur? Voilà quelques exemples de questionnements que nous aborderons aujourd'hui avec nos deux invités. Tommy Vodkran, activiste passionné de musique électronique depuis plus de 20 ans, DJ et organisateur d'événements, il est élu président de l'association Technopole en 2010 et participera grandement à la création de la Paris Electronic Week, le premier événement français dédié aux professionnels des musiques électroniques. Et Olivier Pellerin, journaliste et consultant spécialisé dans la musique électronique, il a coécrit la première étude sur le marché des musiques électroniques dans sa délimitation Techno House pour la SACEM en 2016 et est à l'origine de la création du site Electronic Music Factory qui met à disposition des artistes, labels, bookers, clubs, festivals ou éditeurs un ensemble d'informations et d'outils pratiques pour les accompagner dans toutes leurs démarches. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, je serai comme chaque semaine accompagné de Ben et Alexandre derrière les consoles à la réalisation et de Léo qui voulait revenir sur les victoires clés des musiques électroniques dans leur combat pour la reconnaissance et la professionnalisation. Mal considérées pendant des années, les musiques électroniques telles qu'on les adule aujourd'hui ont dû se construire dans l'ombre. La techno, dès son apparition au début des années 90, était vue comme une incitation à la drogue, un trouble de l'ordre public et non comme une musique au sens propre du terme. Marginalisés et réprimés, les acteurs du genre musical ont toujours tenté de réconcilier public et institutions avec les musiques dites électroniques et leurs manifestations, à l'époque les rêves parties. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Alors le 21 septembre 1998, deux ans après sa création, Technopole organise la première technoparade. Le 3 mai 2002, une circulaire propose un dialogue entre les pouvoirs publics et les rave parties, mais rappelle aussi tous les méfaits de ces dernières en leur imposant justement un ensemble de règles. Le 15 novembre 2006, la loi Evin interdit de fumer dans les lieux à usage collectif. Le 31 mai 2009, la pétition Paris, quand la nuit se meurt en silence, réveille les passions et les mentalités. Le 30 octobre 2011, Concrète fait son apparition dans le paysage clubbing de la capitale. Et en 2013, Technopole lance la Paris Electronic Week, un salon professionnel avec des conférences, des workshops et des soirées. Mais est-ce qu'on a une donnée chiffrée du poids économique de l'électro aujourd'hui en France ? En 2018, toutes les musiques électroniques sont dans les clubs, dans des hangars, dans nos appartements. Elles pèsent près de 400 millions d'euros, soit 17% des musiques actuelles. Elles font partie du patrimoine culturel français, vendent des vinyles et font danser le monde entier. Mais pour pouvoir continuer à vivre et s'épanouir, elles doivent toujours plus se professionnaliser. Et avant d'en parler justement avec nos deux invités, on vous fait découvrir en avant-première un extrait du nouvel EP d'Andrade. Le disque s'intitule Layout et sortira le 8 avril sur le label parisien Silver Network. Et voici tout de suite Float Left d'Andrade en exclu sur Make It Deep. Thank you. C'était l'exclu de la semaine sur Make It Deep, Andrade Floatlev, ça va sortir sur Silver Network. Alors on va entamer cette première partie qui est intitulée « La musique électronique est-elle structurée, messieurs ?» Alors avec une première question, la scène Techno House existe depuis bientôt 30 ans et elle semble à peine commencer à se structurer réellement. On s'étonne notamment de voir que la première étude sur son économie n'est vue le jour qu'en 2016. Comment expliquer cela ? Monsieur l'étude, alors Monsieur comment expliquez-vous alors, j'explique ça, moi on m'a contacté en 2016 pour la faire, donc je l'ai faite en 2016. J'explique ça par le fait que, c'est ce que Léo disait un peu en intro, c'est des musiques qui ne sont pas construites avec l'institution et toutes les structures françaises qui existent sur la musique, puisque c'est des musiques qui sont construites un peu contre les autorités et contre entre guillemets la société, donc qui sont construites toutes seules, un peu underground, un peu comme des grandes ou comme des petites, et qui se sont donc formées leur propre méthode. Étant un peu malgré elles montrées comme antagonistes avec les autorités, elles se sont construites contre, et donc il y avait une certaine défiance aussi. Donc cette défiance, elle a mis un temps assez long à s'estomper pour que les uns et les autres se fassent mutuellement confiance. Et là, je suis encore optimiste, il reste encore du chemin à faire. Je pense que tu pourras confirmer, Tommy. Il y a un dialogue qui est pas tout neuf, mais qui demande encore à être entretenu et à être plus fluide, et que effectivement tout le monde se fasse confiance, et surtout que tout le monde apprenne à respecter et à connaître le fonctionnement des autres. Ça, je suis d'accord. Puis je pense que cette question d'études, nous on y avait pensé depuis un moment chez Technopole, mais c'est une question de budget. Et c'est aussi une question de maturité, et je pense qu'on a vu différentes phases quand même dans la musique électronique en France depuis presque 30 ans, 25 ans pour certains. Mais je pense que la vraie explosion, comme vous le disiez en intro, c'est maintenant, parce qu'on voit de plus en plus d'artistes, de collectifs et surtout de gens qui ont envie d'en faire leur métier, alors qu'effectivement avant il y en avait qui essayaient d'en faire leur métier, mais il y avait surtout beaucoup de passionnés qui essayaient de faire en sorte que ça meure pas pour beaucoup de styles de musique, même la techno, puisqu'il n'y avait pas des grandes fêtes techno comme on voyait à l'étranger, comme on voit des marchés qui sont structurés comme aux Pays-Bas ou ailleurs. Et là on a toujours des chiffres. En France, on n'avait rien. Je pense que c'est une première étape et qu'il va y avoir d'autres outils qui vont se créer. Nous, on prépare une étude sur le marché parisien, Île-de-France, avec Shotgun, qui est un éditeur de billetterie sur mobile, entre autres. Et donc, on a besoin de données, parce qu'en fait, maintenant, si on parle de professionnalisation, il faut que les gens sachent. En fait, c'est naturel de savoir quelle est la taille de son marché, qui sont ses clients, parce qu'en fait, on va utiliser ces mots-là. À partir du moment où on va devenir professionnel, on va parler de clients, de marketing, de croissance. Et donc, les gens vont avoir besoin de ces données. Et je pense que l'étude de la SACEM était une bonne première étape. On peut dire que ça arrivait tard, mais au moins elle est là. Et puis elle a aussi posé l'outil comme outil utile, finalement, pour nous, les Français, mais aussi pour les étrangers qui regardent le marché. Et donc forcément, je pense que c'était la première étape d'un développement de toute une catégorie d'outils qui vont être à disposition des professionnels pour développer leur activité, en sachant exactement, comme dans tout métier, à qui ils s'adressent. On va y venir dans une seconde partie, mais moi, je me posais aussi une autre question. Finalement, on parle d'une étude de la SACEM qui a été faite donc en 2016, et contrairement aux autres branches musicales où il y a un bilan en fait qui tombe chaque année, elle n'a pas été reproduite en 2017. Pourquoi ? Non, déjà, je voulais aussi se compléter ce que j'ai dit, c'est que si elle est apparue en 2016, c'est aussi qu'il y a un marché qui est apparu. Bien sûr. C'est-à-dire que d'un coup, les gens qui structurent le milieu de la musique de manière professionnelle et financière se sont rendus compte que ça commençait à peser de l'argent, puisque je pense que c'est quand même pas très... c'est assez réaliste de dire que les musiques électroniques sont... ont vraiment grossi et sont devenus les musiques que la plupart des jeunes et donc une grande partie de la société écoutent aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Il y a ça d'une part, et Tommy parlait de maturité, et la maturité c'est à double tranchant, c'est bien parce qu'on devient grand et qu'on n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Par contre, ça, tout adolescent et jeune adulte le sait, et c'est un peu les musiques électroniques sont des musiques jeunes adultes maintenant. Quand on devient plus mûr et qu'on se structure, on perd un peu aussi de ses idéaux, on est obligé un peu aussi de faire des compromis, on est obligé un peu de dialoguer avec la société contre laquelle, à la rigueur, on était au départ, puisque c'était quand même des musiques utopiques, revendicatives, etc. Et donc, c'est pas facile de se lancer dans ce processus. Donc voilà, ça, c'était les deux choses que je voulais ajouter. D'accord. Et du coup, par contre, à ta question de savoir pourquoi elle n'avait pas été reproduite, simplement parce que sur le reste des musiques, Il y a des outils qui sont mis en place et qui marchent tout seuls. Les calculs sont faits tout seuls, les données sont récoltées régulièrement, elles sont processées, on a les chiffres régulièrement. On va devoir avancer parce qu'on n'a pas malheureusement le temps de nous écouter. Je voulais juste rapidement, pour clôturer ce débat sur l'étude, est-ce qu'il y en a une autre du coup qui est prévue? Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'elle sera, 2018, 2019? Non, pas encore. C'est pas encore prévu. D'accord. Moi, justement, j'appelle de mes voeux qu'on l'actualise. Ouais, bien sûr. Donc, qu'on refasse les calculs. J'appelle aussi de mes voeux qu'on le fasse avec des camarades internationaux, ce qui est en train de se passer. On est en contact avec l'AFEM, qui est l'Association for Electronic Music, donc l'association qui chapeaute un peu les associations de musique électronique dans le monde. Donc, dont nous sommes les représentants en France. Dont Technopole est le représentant en France. Donc c'est un peu l'association de tous les technopoles de tous les pays. Okay. Et j'aimerais bien qu'on a tous volonté de travailler tous ensemble pour affiner nos outils de calcul et les harmoniser. Très bien. Finalement, quand on parle de la musique électronique, quand on a envie d'en faire carrière, on a l'impression quand même qu'il n'y a pas de débouché d'argent, alors même que le marché, a priori, se porte très bien. Comment expliquer cela? Voilà, tu parles de la techno et de la house, hein, tu parles pas de l'EDM. On parle vraiment de la délimitation techno house ce soir, évidemment. En techno aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui réussissent très bien. Les cachets ont fortement augmenté du fait que cette musique soit devenue quand même beaucoup plus populaire qu'elle ne l'a été ces dernières années. Je pense que des festivals comme Awakenings et des Isle of Techno, des choses comme ça, des Time Warp ont fortement contribué à ça. Et c'est difficile de se lancer, mais c'est comme dans tout métier artistique. Il y a un moment, effectivement, où on a besoin de se faire entendre, on a besoin d'affirmer son talent. Et quand on veut devenir artiste, par exemple, c'est vrai que c'est des fois un petit peu déprimant même. Mais les débouchés, aujourd'hui, ils sont là. Peut-être moins en France, parce que c'est vrai qu'on a un marché qui peine, en tout cas qui se structure moins vite qu'à l'étranger. Mais on voit quand même un certain nombre d'artistes français qui jouent beaucoup à l'étranger dans la techno, qui sont assez populaires et qui arrivent à en vivre. On voit ça dans des musiques, même des styles de niche comme le hardcore et autres. On ne pouvait même pas imaginer en vivre il y a 15 ans. Aujourd'hui, il y a des artistes qui en vivent. Donc, c'est pas un tableau complètement négatif. Simplement, en France, comme on est dans des cadres législatifs très complexes, une perception encore difficile, même des médias. Enfin, je veux dire, il y a très peu de médias réels qui existent, qui se dédient à ça. On n'entend pas ça sur les grandes antennes. Donc, il faut qu'il y ait un écosystème qui se construise où les gens peuvent exister, diffuser, se faire identifier, être signé dans les labels, jouer dans des festivals. Donc, effectivement, c'est plus attractif à l'étranger pour l'instant. Mais la génération, en fait, qui vient, moi j'appelle ça peut-être la génération concrète ou j'en sais rien, mais qui ont découvert ça de l'ouverture de la péniche, mais même avant, quand ils faisaient leurs afters à Asnières et tous ces trucs-là, ils ont été inspirés, ils ont été voir à Berlin, ils se sont dit, ouais, il se passe quelque chose, et ils ont envie de créer. Ça prend du temps, je pense que c'est dans les 10 prochaines années qu'on le verra, mais c'est vrai que si on regarde clairement aujourd'hui l'attribution des aides, la prise en compte des musiques électroniques, effectivement, dans ce circuit un petit peu musique actuelle, c'est encore compliqué. Et il n'y a pas forcément des signaux positifs qui sont envoyés du niveau institutionnel. Par contre, clairement, au niveau perception des artistes français, des organisations françaises, notamment de la part de l'étranger, c'est top. Là, tout le monde a envie de travailler avec les Français, de faire des événements en France. Des festivals ont envie de s'implanter ici. Les artistes français sont signés sur les labels étrangers. Donc, il faut continuer. Mais effectivement, le cadre, l'accueil réservé aujourd'hui n'est pas encore extraordinaire. D'accord. En France, quoi. Du coup, on a l'impression aujourd'hui que la scène des musiques électroniques englobe donc une multitude d'éléments disparates, mais qui manque finalement encore en France une vision commune, une synergie collective pour qu'elle puisse pleinement exploiter son potentiel. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai. Il n'y a pas encore. Olivier Pellerin. Je sais que pour la création, pour l'étude et pour la création d'Electronic Music Factory, on a fait des groupes de travail avec des professionnels. Alors, est-ce que tu peux juste rappeler ce qu'est Electronic Music Factory? Electronic Music Factory, c'est après avoir fait l'étude en 2016, on s'est dit qu'on avait identifié des forces et des faiblesses. Et qu'il fallait pas en rester là, qu'il fallait faire un outil justement qui permettrait déjà de rassembler un maximum d'informations et d'aider justement à la structuration, que ce soit la professionnalisation des jeunes artistes ou des labels ou des lieux, d'essayer de centraliser tout ce qui était nécessaire à mieux se structurer. Et pour ça, on a fait des groupes de travail avec des professionnels du secteur. Et quand on était en groupe de travail et qu'on discutait tous, de temps en temps, il y avait des informations qui étaient échangées entre différents professionnels qui se disaient « Ah, mais si j'avais su que tu faisais ça, moi j'ai la réponse à ta question, on aurait dû en parler plus tôt, et au bout d'un moment il y en a même qui ont dit mais il faudrait qu'on se structure, qu'on se réunisse, etc. Enfin je veux dire, il n'y a pas de... Moi, je suis pas forcément pour, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, mais il y a pas de syndicat des musiques électroniques, de syndicat professionnel. Il y a Technopole, qui est une association, mais il y a pas de, il y a pas de rassemblement qui existe dans les autres musiques actuelles ou en musique classique ou en jazz en fait. Et je sais plus quelle était la question. La question c'était, est-ce que justement, mais tu y répondais un petit peu, est-ce que en France il manquait voilà un effort collectif, une synergie des différents acteurs de la musique électronique pour réussir à former une sorte de bloc beaucoup plus puissant que, qu'elles ne sont aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, excuse-moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un intérêt économique qu'il n'y avait pas avant, qui fait que les gens, maintenant, discutent ensemble pour le préserver, pour le faire grandir. Quand on regarde les Pays-Bas, ils ne sont pas tous copains. Je vais dire, les festivals, ils se tirent dans les pattes, c'est très compliqué. Mais ils se sont mis autour d'une table à un moment pour définir un cadre acceptable pour tout le monde, cadre qu'ils ont porté auprès des autorités. Ils sont allés d'un bloc auprès des autorités en disant on pèse tant, on vend tant de billets, on fait danser tant de personnes, donc on veut tel cadre. Les autorités, ils ont dit bah oui, mais nous on veut tel cadre. Ils se sont mis d'accord, ils peuvent tous travailler et se faire une concurrence ultra forte sur leur festival. Mais en attendant, là-bas, le même week-end, il peut y avoir trois festivals de 30, 40 ou 50 000 personnes qui se déroulent, Awakenings, Dominator le même jour, t'en as 70 d'un côté, 50 de l'autre. Et tout le monde est content. Donc il y a besoin, effectivement, qui d'abord a quelque chose qui motive les gens. Ce qui les motive aujourd'hui, c'est la possibilité de construire une économie autour des musiques électroniques. Et donc on se fédère, et donc on crée des Paris Electronic Week. On a des démarches communes, nous, pour qui fait... Là, on va sortir un article dans Trax par rapport à l'implantation de Tomorrowland avec 40 festivals qui ont signé, 40 festivals électro. Donc on a déjà 40 festivals électro en France, ce qui est quand même pas mal. Donc il y a vraiment aujourd'hui une démarche... Qui se dresse contre l'implantation de Tomorrowland et des 400 000 euros de ne pas le renvoquer. Plutôt le fait que les aides publiques devraient... Voilà. Aille vers des projets culturels, bien non sûr. Des consortiums économiques qui n'ont envie que de faire plaisir à leurs actionnaires, et qu'on soutienne la création locale de projets culturels un petit peu plus osés que ce que proposent ces gens-là, et qu'il y ait une réflexion forte de la part des territoires et de l'État sur comment on attribue les aides. Pas simplement Tomorrowland c'est mal, très bien, il y a un public pour ça, on va pas cracher dessus. C'est-à-dire que la France est attractive, qu'il y a du monde qui vient ici, ça fait du bien pour le tourisme. Maintenant, pourquoi est-ce que ça doit être le seul festival qui... Enfin, pas le seul, avec mais en tout 400 000 cas... Avec 400 000 euros, on peut aider 10 petits festivals, 5 moyens, on peut, enfin moi, il n'y a pas de souci, on sait quoi en faire. Donc c'est simplement comment on réfléchit l'attribution des aides à un moment où on en a besoin aujourd'hui parce qu'il y a une économie qui se construit. Et donc du coup, c'est maintenant qu'il faut aider les gens, c'est pas dans 10 piges quand ils seront à la rue qu'il faudra dire ah mince, tiens, prends 50 000 parce que là, il ne pourra plus rien faire avec. Donc aujourd'hui, c'est le moment de le faire. Et donc les festivals prennent la parole avec nous pour dire bah, pensez à nous et au local, au national, avant d'aller aider une multinationale du spectacle qui n'en a pas besoin finalement. Mais c'est surtout qu'on n'a pas la même structure en France que chez nos pays voisins, notamment les Allemands et les Hollandais. Et en France, les festivals, le prix des billets, même si les spectateurs et les plus jeunes peuvent considérer que c'est cher, le prix des billets est beaucoup moins cher que dans les pays étrangers. Là où on est choqué de payer 80 ou 90 euros pour 3 jours en Angleterre ou en Hollande, ça peut être 250 ou 350 euros. Ouais. Et du coup, la taille critique économique en France est rarement atteinte pour avoir des festivals de cette taille-là. C'est pour ça qu'on n'a pas de Tomorrowland. C'est pour ça aussi, si on sort de la techno et de la house, qu'il n'y a pas beaucoup d'EDM en France, parce que les artistes EDM sont tellement chers qu'il n'y a personne en France qui peut se les payer. Ensuite, on trouve que c'est un bien ou un mal, ça, chacun ses goûts. Mais on n'a pas la structure de festival qui permet d'avoir une économie. Enfin, l'économie en train de grossir seulement maintenant et avec beaucoup de retard, pareil, je juge pas si c'est bien ou mal, par rapport à nos voisins du Nord, les Hollandais, On va se recentrer quand même, parce que les festivals feront l'objet d'une autre émission durant l'année, donc on va quand même se recentrer sur notre premier sujet, avec une autre question. Est-ce qu'il y a une vraie connaissance aujourd'hui du cadre juridique chez les nouveaux acteurs des musiques électroniques? Nickel. Ceux qui font des soirées dans les warehouses tous les week-ends, c'est voilà, si, je pense si, pas, si, effectivement. Non, mais sans vouloir critiquer absolument et pas. En manière générale, ce que vous observez chez Technopole. En fait, il faut être plus précis, mais je pense qu'effectivement, il n'y en a pas du tout, hein, ça c'est certain. Il y en a, oui. Il y en a de plus en plus. Moi, je sais que quand j'avais commencé très tôt, pour des raisons journalistiques, à parler avec Kraki quand ils étaient à leur tout début, ils maîtrisaient très très bien législation ERP, donc établissement recevant du public, comment gérer les autorités, comment gérer correctement leur sécurité, les toilettes, les bars, etc. Donc, il y a même des petits collectifs dont on connaît les noms et dont on connaît les faits, qui sont très très au fait de ce qui se passe en matière de législation et qui essayent de le faire correctement pour le bien de la nature de leur fête et de leur public. Les collectifs là, d'organisations viennent de se réunir, certains dans un syndicat qui s'appelle le Socle. Ouais. Donc les collectifs Alter Panam, Autodis, Souk Machine, ouais, etc. Et moi, j'ai été à l'AG de lancement du collectif et j'étais impressionné par la manière dont ils sont structurés, dont ils sont articulés sur l'organisation, sur les buts de leur organisation, sur la manière de bien maîtriser l'organisation sans y pervertir leur esprit. C'est le premier syndicat qu'on a de cette forme-là, à votre connaissance ? Ben moi, je crois, oui. Oui, alors c'est un syndicat, c'est pas un syndicat professionnel, oui. C'est un syndicat associatif. Oui, donc oui. C'est un petit peu comme le même format que Technopole, mais c'est c'est la suite logique de ce qui s'est passé depuis 5 ans à Paris, quoi. D'accord. C'est une nouvelle génération d'organisateurs qui évoluent dans des cadres un petit peu alternatifs, c'est-à-dire qu'ils font ça dans des warehouses qui sont pas toujours ERP, mais avec un tarif d'entrée, avec un bar, avec des artistes qui bookent, qui viennent de l'étranger, donc c'est des fêtes qui ont quand même de la gueule, c'est pas simplement des petites réunions entre copains, donc il y a un flottement aujourd'hui. C'est de toute façon, on le voit même sur les professionnels, c'est-à-dire des gens qui montent des festivals, des choses comme ça. La législation est tellement complexe que déjà il faut la comprendre, il faut pouvoir l'appliquer, il faut être accompagné pour ça, et puis surtout il faut suivre des formations. Et c'est vrai que la plupart apprennent sur le tas. Hein. Quand on est artiste, on apprend à mixer en achetant des platines. Quand on fait une fête, on fait une première, une deuxième, une troisième, on fait des erreurs, et au bout d'un moment, on comprend. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Il y a une grande tension quand même avec les drogues, les choses comme ça. Il y a une vigilance de la préfecture. Et donc, il faut être encore plus prudent aujourd'hui, je pense. On peut faire ça. On a tous fait. Nous, on vient de la free party. On prenait une pince Monseigneur. On cassait un entrepôt. On faisait une soirée. Bon, il n'y avait pas de prix d'entrée, tout ça. Mais il s'est jamais rien passé de tragique. Mais à chaque fois qu'il y avait un petit accident, on nous pointait du doigt. Quand on est dans un milieu aussi fragile, il faut être prudent, c'est tout, je pense. La législation est trop complexe pour dire à tout le monde applique là à la lettre, parce que de toute façon les gens pourront pas. Oui. Faire attention à son public, enfin toutes ces choses-là, mais ils le font, il y a de la sécurité. Mais c'est vrai que des fois, les lieux, ils me font un peu flipper, parce que s'il y a un incident, déjà ils vont en prison, et puis en plus on pointera du doigt les musiques électroniques, encore une fois, sur la faiblesse de l'organisation. Donc connaître... On disait quand on grandit, en fait, on devient peut-être un peu plus sage. Moi, je pense qu'on connaît mieux son ennemi aussi. C'est pas parce que l'institution, on l'a débecté dessus quand on sortait, qu'on est d'accord avec elle aujourd'hui. Simplement, on va essayer de comprendre son fonctionnement, trouver des subtilités. Et je pense que là, aujourd'hui, les warehouses et ces gens-là, ils ont l'opportunité de changer les choses, parce que justement, c'est des fêtes hybrides, avec des objectifs pas toujours commerciaux. Et donc, du coup... Nous, ça nous intéresse beaucoup. On discute avec le Socle pas mal, justement, parce qu'on a envie qu'il y ait des modèles qui puissent exister. Mmh. C'est comme les gens de la Free, avec Freeform, on parle avec eux également. Tout doit pouvoir exister, et on peut faire changer les lois en créant des nouveaux modèles. Et je pense que là, ils ont un truc intéressant. Modèle hybride, pas absolument sauvage, sans être complètement non plus dans les règles. C'est ça, ouais. Alors, on va conclure cette première partie. Il faut que vous répondiez vraiment de manière la plus synthétique possible. Quelle est pour vous, actuellement, la plus grande carence encore des musiques électroniques En France, je pense que c'est la connaissance du cadre juridique qui freine les gens, qui freine le développement. Ok. Olivier Pellerin ? Non, pas mieux. Pareil ? Je plus quoi. Et on va clôturer donc cette première partie avec une rubrique intitulée le Disconnaire. A, B, C, D. Tommy et Olivier, vous allez ouvrir une nouvelle page de notre Disconnaire. C'est un exercice lexical, mais surtout musical. Et vous êtes donc chacun un dictionnaire spécialisé. Donc à vous de définir les mots suivants. Tommy, qu'est-ce qu'un intermittent ? Un intermittent, c'est une personne qui travaille dans le spectacle, qui bénéficie d'un régime, le régime de l'intermittent, et grâce à qui la plupart des gens peuvent faire la fête. Et Olivier, le mot est éditeur. L'éditeur, c'est celui qui accompagne l'artiste depuis ses tout débuts jusqu'à très très loin. C'est certainement un des collaborateurs de l'artiste qui est avec lui sur une partie de sa carrière la plus longue. Et c'est valable quand même pour des artistes un peu confirmés, on va dire. Bah merci beaucoup pour ces éclairages. On ajoute vos définitions à notre disconnaire. Et petite pause en musique avant de passer à la seconde partie de l'émission avec notre sortie du jour qui est signée Dubstriker avec un morceau tiré d'un nouveau Various qui s'intitule Out 007. Le disque vient de sortir sur le label Kahoot Records et on écoute le morceau Unknown Matter de Dubstriker tout de suite sur Make It Deep. Dubstriker avec Unknown Matter sorti sur Kahoot Records sur Make It Deep. Et voilà, donc c'est le moment de la deuxième partie intitulée « Quelles sont les actions concrètes menées aujourd'hui, messieurs ?» Avec une première question, quelles sont les structures aujourd'hui engagées pour la professionnalisation du milieu ? On l'a rapidement évoqué en première partie, si vous pouvez faire un rapide rappel. Écoutez, il y a Technopole, on fait des formations, il y a des formations à la musique qui se font un petit peu partout en France. Par contre, à part l'IRMA et nous, il y a peu de formations pour tout l'accompagnement à la professionnalisation des organisateurs d'événements, de festivals, les créateurs de labels également. Ça n'existe pas encore énormément. Par contre, effectivement, tout ce qui est « je veux devenir artiste », ça, il n'y a pas de souci, on peut le faire partout en France. Le reste, c'est un petit peu plus compliqué. D'accord. Il y a Freeform qui s'y met aussi, qui va faire des formations. Oui. Ok. Alors là, je me tourne vers toi, Olivier. À part la perception et la redistribution des droits d'auteur, est-ce que tu sais si la SACEM œuvre, elle, justement, par d'autres biais pour cette structuration et cette professionnalisation ? Alors moi je fais pas partie de la SACEM, oui, donc mais... je vais pas trop dire de bêtises, mais la SACEM a notamment un volet action culturelle, où il y a une partie, et je veux vraiment pas dire de bêtises, donc je sais pas quelle est la partie qui, sont statut, qui est statutairement dédiée à l'action culturelle, mais c'est des sommes conséquentes d'argent, et je sais que sur les musiques électroniques, enfin il y a différents types, ça peut être l'aide à la maquette, ça peut être l'aide au matériel, ça peut être de l'aide à ce qui s'appelle encore la vidéo-musique. Donc le clip. La SACEM propose ça, mais il y a aussi beaucoup d'autres organismes qui proposent ce genre. Si on parle d'aide là vraiment, et notamment d'aide en argent, il y a beaucoup d'institutions françaises qui en fournissent. On a fait un onglet là-dessus dans Electronic Music Factory qui recense toutes les aides qu'on peut obtenir pour monter un spectacle, pour un clip, pour la tournée, pour aller vers l'étranger. Il y a aussi des choses qui sont faites avec le bureau export, etc. Donc il y a pas mal de dispositifs qui, pour le coup, relèvent des musiques actuelles et dans lesquelles les musiques électroniques peuvent s'inscrire facilement, on va dire. D'accord. Et pour toujours sur la SACEM, en fait, quel était le but de l'étude réalisée en 2016 le but réel, c'était vraiment de montrer qu'il y avait un marché en France, ou c'était aussi de référencer l'écosystème de la techno house pour mieux finalement taxer ses acteurs. Voilà, je te laisse répondre. Le but, c'était dans la suite de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que comme il y a un marché économique qui est en train de croître, c'était d'essayer de définir son périmètre et de mieux le comprendre. Après, il ne faut pas se le cacher, définir son périmètre, ça veut dire aussi faire en sorte pour la SACEM d'avoir plus de contacts avec les artistes et donc d'augmenter les artistes qui sont sociétaires de la SACEM pour collecter et redistribuer plus de droits. Et je pense que au-delà de ça, la SACEM en 97, ils avaient créé un statut, le statut du DJ remixeur, qui n'a jamais été utilisé en fait. Mmh. Et en toute honnêteté, le désamour est assez grand entre le milieu des musiques électroniques et les institutions, dont la SACEM, pour toutes les raisons dont on a parlé au début. Et je pense que la SACEM, vu l'importance qu'est en train de prendre, qu'a déjà prise la musique électronique, a envie de renouer un dialogue avec les acteurs des musiques électroniques plutôt que de se retrouver les deux du côté d'une table sans se parler, en se regardant. Ouais, parce qu'il y a forcément une perception de la part des musiques électroniques qui est quand même une musique particulière vis-à-vis de la SACEM, où en tout cas les acteurs des musiques électroniques ont une vision un peu la SACEM paraît assez opaque d'une certaine manière dans son fonctionnement. C'est beaucoup plus compliqué de voir ce qui se passe avec un track qui a été remixé finalement 2-3 fois qu'avec un morceau d'un groupe qui a été enregistré dans les années 80 dans un studio, etc. C'est pour ça que cette étude est arrivée à ce moment-là aussi. Elle est arrivée au moment où la SACEM commençait à avancer sur des solutions technologiques censées remédier aux problèmes qui étaient pointés du doigt par les musiques électroniques, qui étaient grosso modo nos répertoires sont pas à la SACEM, quand on mixe, on mélange plein de trucs, vous n'êtes pas capable de les reconnaître, du coup l'argent que vous prenez au lieu et au club, ils vont, et ça c'est la phrase que même les musiques actuelles ou d'autres disent, ça va dans les poches de Goldman et de Johnny Hallyday. Ouais. Et il se trouve que la SACEM est en train de développer... Laetitia aujourd'hui. Oui, ouais, c'est un autre problème. C'est vrai que je me suis rendu compte. Mais bon, de Johnny Hallyday et de ses ayants droit. Non, mais du coup, ils arrivent avec une solution qui est celle qui a été annoncée l'année dernière, là, enfin, à l'automne, de DJ Monitor. Des solutions de tracking, qu'on appelle aussi de micro-tracking, qui sont capables d'identifier les morceaux qui sont joués, même quand c'est des phases très courtes des morceaux, quelques secondes, etc. Et quand les matchant avec une base de données de morceaux, ils sont reconnus, et donc s'ils sont reconnus, d'accord, et que les morceaux sont déposés, les droits sont répartis, etc. Voilà. C'est ce qui est en train d'être mis en place. C'est des solutions qui sont nouvelles, donc c'est des solutions qui sont autant implémentées que toujours sous forme expérimentale, améliorée, etc. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Et si ces choses-là fonctionnaient correctement, effectivement, a priori, il y aurait plus d'intérêt de s'inscrire à la SACEM et d'y déposer ses œuvres, puisque si elles étaient reconnues, bien sûr, les droits seraient collectés et redistribués. Voilà. Donc c'est la tentative de mettre en place un cercle vertueux. D'accord. On parlait rapidement tout à l'heure du socle. Est-ce que vous avez connaissance d'autres, pas forcément syndicats du coup, mais de regroupements de structures de musique électronique qui... À part Freeform, qui est très en place sur les free parties et la fête libre, puisque ça représente 4 à 5 000 fêtes par an en France quand même. Moi, j'en connais pas d'autres. Tommy Vautrin. Je crois qu'il y a le spam, mais voilà. Dire, les mauvais mails qu'on reçoit. Non, ça vient un truc qui s'appelle le spam. Il n'y a pas un regroupement des patrons des clubs ? Ouais, mais les patrons des clubs, dans quelle extension est-ce que c'est des acteurs des musiques électroniques, quoi? Ah bah si, quand même. Lesquels? Mais bah, les clubs, ça dépend qu'est-ce que t'appelles un club. Oui, la club, mais les clubs de le Macumba. Il y avait ce qui s'appelait le Rex et tout ça. Voilà, c'est ça. Il y a pas un regroupement. Bah si, si, en fait, c'est, ouais, c'est ce qui s'appelait. Ce qui s'appelait la CSCAD. Tout confondu. Ce qui s'appelait la CSCAD, c'est ce que veut dire la chambre syndicale des cabarets, des lieux. Mais ça a changé de nom. Maintenant, c'est la chambre des lieux festifs, enfin nocturnes. Oui, qui représente plus la nuit, en fait. Dont le président était Bruno Blancart, le président du Grand Rex et du Rex, et qui a passé la main à Aurélien Dubois de Concrète. Donc, et effectivement. Effectivement, c'est un groupement qui représente autant la discothèque, le dancing de je sais pas où, que effectivement les clubs comme le Rex, comme Concrète. Donc il n'est pas spécialisé. Non, mais ils ont en leur sein tous les patrons des clubs techno, et donc. Enfin, c'est un acteur qui est quand même important, qui a participé d'ailleurs à la réalisation de l'étude et qui fait partie des groupes de travail, etc. Donc, ils sont quand même un acteur partie prenante du milieu. Oui, et surtout le fait que Aurélien Dubois soit président de cette organisation, il y a effectivement une attention plus particulière qui est portée aux clubs de musique électronique, puisque ce sont ceux qui se développent le plus aujourd'hui, qui rencontrent le plus de problèmes, notamment des fermetures administratives à répétition avec la préfecture de police de Paris. Et donc c'est vrai que de toute façon aujourd'hui le clubbing s'est relancé grâce à la musique électronique, que ce soit des clubs on va dire natifs comme le Rex ou Concrète, ou des clubs qui se sont réorientés vers ces musiques-là. Donc la majeure partie des musiques diffusées aujourd'hui sont ça, ou du hip-hop dans les boîtes généralistes, et sinon c'est de la musique électronique. Mais c'est vrai que la vocation de ce syndicat à la base, c'est les lieux de nuit, hein. Donc toute personne ayant un problème, ils vont s'adresser à eux. Mais là en ce moment, c'est plutôt les clubs de musique électronique qui sont confrontés à ce genre de problématiques de fermeture et autres. D'accord. Et d'ailleurs Tommy, je voulais aussi que tu nous éclaires sur le rôle de lobbying que représente Technopole, parce que vous êtes la seule organisation qui fait aujourd'hui du lobbying pour les musiques électroniques. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe, le lobbying dans les musiques électroniques? Quelles sont les actions menées? Bah écoute, ça se passe, on a une écoute attentive toujours. Enfin, là, ça a commencé avec la création de Technopole, le lobbying, puisqu'en fait la première problématique c'était de faire reconnaître les musiques électroniques. Donc il y a eu en 98 la circulaire de 98, ministère de l'Intérieur, ministère de la Jeunesse et des Sports et ministère de la Culture qui intégraient les musiques électroniques dans les musiques actuelles, et du coup on n'était plus des parias mais on était dans la grande famille des gens qui font de la musique. Donc depuis, il y a eu des discussions. En 2002, on a attaqué notamment le décret qui a été cité auprès du Conseil d'État. Ensuite, le lobbying, c'est être présent auprès des différentes institutions. Alors moi, je le fais depuis 2010, donc je vais partir de là où je suis arrivé, c'est-à-dire la SACEM, le CNV, les questions de discussion. On a beaucoup participé aux discussions sur le taux de TVA. Là, l'été dernier, on a pris position par rapport aux coûts de sécurité qui pénalisent les festivals, notamment avec l'augmentation liée à Vigipirate, le statut du DJ qu'on a obtenu il y a 4 ans maintenant. Donc, c'est des actions ciblées. C'est-à-dire, pour nous, le lobby, c'est déjà qu'on soit intégré dans l'ensemble des discussions, qu'on n'oublie pas les musiques électroniques à chaque fois. Donc, par exemple, là, il y a une discussion sur la Maison Commune de la Musique, qui est l'ancien... C'était quoi, juste avant, la Maison Commune de la Musique? C'était le machin là que Fleur Pellerin a voulu faire. Là. Enfin bref, une maison à la musique, comme le cinéma, son CNC, par exemple. La dernière fois, on n'a pas été audité. Cette fois, on a été audité. Donc, il y a une perception qui commence à être un petit peu plus institutionnelle des musiques électroniques. Donc, pour nous, le lobby, c'est ça. Et ensuite, essayer, quand on voit quelque chose qu'on peut changer, le statut du DJ par exemple, les problématiques de coûts de sécurité, là, l'attribution des subventions avec l'exemple Tomorrowland, mais qui est vraiment pour illustrer la situation, qui n'est pas le point de contestation qu'on a. Hein. On n'est pas contre Tomorrowland, on est contre l'argent dépensé bêtement et qu'on voudrait. Donc le lobby, c'est ça, des institutions avec lesquelles on discute, et puis quand on peut faire changer les choses, on essaye de le faire, que ce soit de façon législative ou d'une perception intellectuelle de la musique ou de sa place dans la société ou je ne sais pas quelle autre chose. À quoi on pourrait servir, mais ça se résume souvent à beaucoup de discussions et on s'engueule un peu, mais bon. Ok, encore une question pour toi Tommy, est-ce que tu peux nous rapidement là encore, parce que le temps court, qu'est-ce qu'a réalisé concrètement la Paris Electronic Week depuis sa création? Concrètement, au-delà effectivement des idées, des échanges, des débats, qu'est-ce qui est sorti concrètement de la Paris Electronic Week depuis sa création? On a l'objectif de cette Paris Electronic Week, il y a le statut du DJ au tout début, mais ça on n'en parlait pas encore de nous en fait, on était dans des réunions assez confidentielles, ça c'était vraiment un aboutissement via la Paris Electronic Week. L'autre sujet c'était repositionner le marché français, c'est-à-dire nos professionnels par rapport au marché étranger. Notamment on se dit tout le monde se rencontre au ADE, pourquoi les gens viendraient pas ici pour rencontrer les entrepreneurs français. Donc on a fait venir beaucoup d'entreprises étrangères, pas juste pour parler dans des conférences mais pour être là, pour rencontrer des acteurs, et donc il y a pas mal de business en fait qui se fait. Alors on n'est pas encore sur des volumes importants, les gens viennent pas à Paris pour signer un truc comme on voit à l'IMS où ils sont tous en train d'écouter des trucs de dance et de signer des contrats d'édition et des trucs machin à la plage en train de siroter un cocktail. Nous on est, mais il y a vraiment aujourd'hui hein, bah, typiquement depuis qu'on travaille avec la FEM, la France est, on prend part aux discussions, donc c'était vraiment repositionner le marché, nous faire identifier et puis connecter les gens. Même Province Paris, enfin voilà, l'idée c'est connecter les professionnels, les faire travailler ensemble, booster le business, booster l'attractivité et finalement contribuer à améliorer les conditions de travail de nos professionnels, donc ça à travers les conférences, et leur faire développer leur activité économique. Très bien, merci beaucoup pour la concision de cette réponse. Est-ce que finalement, là, on parle un peu de tout ce qui se fait aujourd'hui pour cette professionnalisation. Est-ce qu'au même titre que tout à l'heure, on disait qu'il y avait une méconnaissance du cadre juridique aujourd'hui en place pour dans les musiques électroniques, est-ce qu'il n'y a pas une méconnaissance aussi de toutes les actions qui sont faites pour ceux qui aspirent à être professionnels de ce milieu-là? Ce que disait Olivier, les aides, c'est ça? Oui, les aides. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une méconnaissance de ça aussi? Vous avez combien, par exemple, d'adhérents à Technopole aujourd'hui? On a à peu près 200. Ouais. Et je me rends pas bien compte, mais pour toi, c'est conséquent par rapport. Non, c'est pas ça. Énorme. Non, ouais. Mais non, en fait, ce qui est Technopole, les gens ils viennent nous voir quand ils ont un problème, quoi. C'est, en fait, c'est ce que tu disais en France, de comprendre l'utilité de ce genre de structure, l'utilité de travailler ensemble, de construire un marché. Mmh. Généralement, nous, quand on nous appelle, il y a dans mon festival, il est demain ou dans 15 jours, les flics ils me sortent un arrêté, vous pouvez m'aider s'il vous plaît, quoi. Bah non, on peut pas t'aider là. Parce que généralement, en plus, on regarde les dossiers de sécurité, il y a toujours un. Enfin, donc, on dit aux gens, bah formez-vous avant. Donc, je pense que le besoin d'outils comme nous, il est réel, sauf que les gens, ils sont tellement dans le jus de « je veux faire mon truc », j'ai tellement peu d'outils, de points de référence que j'y vais, je mets toute mon énergie, mon fric, le fric de mes parents, enfin, ils y vont. Puis ils se plantent, pour beaucoup, pas toujours, et d'ailleurs, on voit de plus en plus de festivals qui arrivent, parce que les ressources sont là, et les gens commencent aussi à réfléchir différemment, de façon beaucoup plus pro, donc faire aussi intervenir des intervenants professionnels, des directeurs des directeurs de production, des directeurs techniques, des cabinets de sécurité incendie, donc avoir tous les dossiers qui vont bien déjà, et puis on nous appelle pas 15 jours avant aussi, des fois on nous appelle 3-4 mois avant, on nous pose des questions, on a un conseil juridique gratuit pour nos adhérents, donc les gens adhèrent à Technopole, ils ont un conseil juridique, puis généralement on a des petites questions qui tombent avant que les mecs déposent un dossier, mais c'est souvent le problème, c'est-à-dire que on développe une activité dans toute sa passion, on y met toutes ses tripes, mais il faut des fois sortir un peu de sa bulle, regarder son environnement, oui, et puis se dire qu'il y a des lois, des choses. Au lieu de se braquer et se dire de toute façon il n'y a pas d'aide, de toute façon on ne va pas m'aider, voir aussi ce qui se fait aujourd'hui. Il y a des aides, hein. Il y a des régions qui sont sympas, il y a des villes qui sont sympas, en fait il faut les trouver, c'est du taf quoi, mais il y a des aides. Et ce que disait Olivier, un truc comme Olivier Electronic Music Factory, tu as tout un tas d'informations sur quelles sont les aides auxquelles tu peux être éligible quand tu as un festival, quand tu as un label. Il y a plein de gens qui ne savent pas que le ministère de la Culture, ils ont des aides à la création, des aides à l'innovation aussi, pour tout ce qui est transition numérique, pour toutes les solutions digitales qui se créent, des choses comme ça. Que le CNV aide parfois aussi des festivals à forte identité. Avec leur droit de tirage aussi, parce que t'es membre, tu payes, mais en fait, ce que tu payes, ça va dans. C'est ce que tu peux récupérer après, ça s'appelle le droit de tirage. Donc, ces choses, les gens, ils savent pas. Et en fait, le CNV, la plupart du temps, c'est un truc que les gens, ils connaissent même pas. On leur dit, mais vous payez le CNV, le quoi? Ah non, merde, il y a une taxe en plus, 3% sur la billetterie. Non, mais vous allez arrêter, quoi. Donc, c'est aussi peut-être on oublie pour pas savoir quoi, tu vois, genre les taxes on verra plus tard. Il y a aussi toutes les institutions ou tous les organismes qu'on considère être valables pour la variété, la chanson, le rock, etc. et pas pour les musiques électroniques, et alors que c'est à tort, notamment si on en prend d'autres, par exemple le CNC qui aide le cinéma, la vidéo, etc. a des dispositifs pour aider le clip ou pour aider les dispositifs audiovisuels, multimédia, que ce soit des applications, etc. Après, ça, c'est un peu plus ambitieux, mais des trucs en réalité virtuelle ou autre. Enfin, il y a des aides qui existent à peu près sur tous les domaines. Il y a aussi la DAMI, il y en a vraiment beaucoup. Donc, On a essayé de les recenser de manière exhaustive sur Electronic Music Factory. Après, oui, ce que disait Tommy, et c'est ce que j'ai vu en parlant avec beaucoup de professionnels, c'est qu'il faut faire l'effort et prendre le temps d'aller se renseigner sur des dispositifs qui sont souvent un peu administratifs quand même. Il y a de la paperasse à remplir, etc. Il faut avoir un peu des trucs en règle pour être capable de donner un cabis, un machin, un bidule. Et la plupart du temps, quand on organise des événements ou quand on a un label, on a tellement la tête dans le jus, on bosse tellement nuit et jour qu'on n'a pas trop le temps de s'occuper de ça. Donc en général, ces dispositifs d'aide, on s'en occupe en dernier en se disant « j'ai pas le temps, si jamais j'ai le temps, je m'en occuperai », du coup on s'en occupe jamais. Donc, et c'est au bout d'un moment, quand on commence à se structurer, on commence à avoir quelqu'un qui s'occupe aussi de peut-être. C'est soi en général. Enfin, moi, j'ai déjà eu un label aussi, donc en général on le fait tout seul, mais on se rend vite compte, on se plante une fois, deux fois, c'est-à-dire que l'aide ou la subvention, les premières fois on l'a pas, puis à un moment on commence à en avoir une, on se dit ah ouais, c'est quand même bien. La France ça a des lourdeurs, mais ça a des gros avantages aussi pour le soutien à la culture, quoi. Donc, D'accord. Une dernière question, après on clôturera cette seconde partie. Les formations qui voient le jour aujourd'hui un peu partout, et même dans le cadre universitaire, est-ce qu'elles sont, selon vous, des réponses efficaces et une vraie porte vers la structuration du milieu ? Oui, enfin, Tommy, votre crâne. Je pense que c'est important qu'il y ait des points d'entrée pour comprendre le fonctionnement de l'environnement dans lequel on veut travailler. Donc qu'il y ait des formations, c'est bien. Après, il faut voir leur contenu. C'est vrai que la législation est très complexe, et c'est vrai que des fois, le mieux, c'est quand même d'avoir quelqu'un de spécialisé, un administrateur ou deux administrateurs, qui savent. Enfin voilà, il y a un moment, on a tous notre métier. Je crois que quand on construit une entreprise, on est tout seul d'abord. Si on se développe bien, on va travailler avec des gens qui sont compétents dans un domaine. Et je pense que là, c'est un domaine vraiment où il faut pouvoir avoir des personnes qui ont une connaissance juridique un peu pointue, pour pas qu'il y ait d'erreurs qui soient faites, parce que ça peut coûter très cher après. Et puis il faut avoir l'info, donc il faut se parler, il faut échanger. J'ai l'impression que s'il y a un truc qui a changé ces quelques dernières années quand même, c'est que les acteurs des musiques électroniques, comme ils sont de plus en plus nombreux, ils se connectent, ils se fréquentent plus, et les infos, elles circulent mieux, quoi. Enfin, j'ai cette impression-là. C'est sûr, ouais. D'accord. Donc on va clôturer cette seconde partie avec une rubrique qui est d'ailleurs très sobrement intitulée le quiz. Comment tu sais tout ça, toi ? Julien Lepers, question pour un champion. Alors, petit quiz, donc, avant de passer à la dernière partie de cette émission, essayez donc de répondre aux questions suivantes. Quand est-ce que la première école de DJing a ouvert ses portes en France ? C'est du CPA, le DJ School, là, 2007, non ? 2005 ? J'en ai trouvé 4. Une bien plus vieille qui s'appelle DJ Network. Ah, mais c'est DJ Network, ouais. Ouais, c'est 2002, c'est alors. Mais j'ai trouvé sur leur site, c'est 94. Mais non, sérieux ? Mais ils mixaient avec quoi à l'époque ? Ah oh bah attends, on mixe depuis les années 70. C'est le truc de. Non, mais j'ai Larry Levan aurait pu donner des cours. C'est le truc de l'UCPA, ça, ouais. 94 ? Ouais, 94. Quoi, ils ont une vision, hein. Je sais pas où. Il devait y avoir une pièce quelque part où ils recevaient un DJ par jour, mais ils ont survécu. Là, ça marche très bien, DJ. Ouais, ça marche très bien. Ouais. À quelle date les Victoires de la musique ont pour la première fois ajouté la catégorie musique électronique ? 98 ? 97, non ? 98, ouais. Le 20 février 98, et c'est Laurent Garnier qui a reçu le prix. Et ça, je sais plus comment ça s'appelait. Ça s'appelait musique... Dance music. Ouais, voilà. Musique de danse. Hein. Et enfin, quand est-ce que le DJ, en tant que statut, on va dire, a obtenu donc le statut d'intermittent du spectacle ? Jamais. Non, c'est quand on a. Quand il y avait une date en 2015, le 4 décembre 2015. Ouais, en fait, du moment où le statut du DJ a été reconnu, on peut accéder au régime d'intermittent. Mais c'est compliqué encore. C'est pas, ouais, parce qu'en fait, il y a des problèmes au niveau de l'UNEDIC, enfin, c'est toujours très politique. Et en gros, le statut existe, mais il n'a pas été inclus au niveau du GUSO, notamment, et tous ces trucs-là. Et donc. C'est toujours difficile d'employer quelqu'un en tant que DJ, que ce soit au niveau du régime intermittent, mais en tant que statut de régime général également, parce que ils se parlent pas tous en fait. C'est les millefeuilles administratifs et c'est n'importe quoi. Bon, on va clôturer cette seconde partie donc en musique avec le vinyle du pauvre, sélectionné par notre digger Julien, extrait de son home digging mensuel. Voici donc Nobody's Business de Boyd Jarvis, sorti en 86 sur le label Fleetwood Records et disponible sur Discogs pour 91 centimes. C'est tout de suite sur Make It Deep. Oh, C'était Nobody's Business de Boy Jarvis, sorti sur Fleetwood Records et qui est disponible à 91 centimes seulement. Et c'est du coup le moment de cette troisième partie où on va faire une petite mise en situation, messieurs. On va vous donner en fait des profils un peu type et vous allez nous dire ce que les gens doivent faire lorsqu'ils sont dans ce profil. Le premier étant un jeune artiste qui vient de signer dans une agence qui produit environ 4 maxi par an. Il a une moyenne de 2 dates par mois rémunérées. Qu'est-ce qu'il doit faire pour aller vers la professionnalisation? Bah, celui-là, il est déjà pas mal professionnalisé quand même. S'il fait 4 maxi par an, plus 2 gigs par semaine, s'il a 4 maxi par an, c'est quand même pas énorme. Non, 2 gigs par mois. Par mois, c'est pas énorme justement. Je pense qu'un artiste qui a 4 maxi par an, il est plus à 2 gigs par week-end qu'autre chose. Mais pas forcément. Pas forcément, mais enfin après ça dépend. Ça peut être 4 maxi. Là, on parle de. Voilà, maison, c'est ça, c'est ça. Mais... On parle pas forcément de 4 maxi sortis sur des labels. Parce que pour envoyer 4 maxi, il faut quand même. Il y a beaucoup d'artistes qui tournent et qui n'ont pas 4 maxi par an. Hein, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, celui-là, j'ai envie de te dire qu'il est sur la bonne voie déjà. Si en plus tu dis qu'il a signé sur une agence. Il vient tout juste. Il a priori, il a juste à essayer de faire en sorte que son agence lui trouve plus de gigs et ça va lui faire de l'expérience. Et s'il, enfin, tu vois, à la rigueur, par ça exemple, m'intéresserait plus de donner des conseils à un artiste qui vient de faire un maxi, qui a pas encore d'agence, ou lui justement. Il faut qu'il essaye de trouver une relation avec un booker qui lui permette de jouer plus, et puis il faut surtout qu'il refuse pas de jouer. Ouais. Ce qui est difficile dans ces cas-là, c'est le tarif, parce qu'au début, clairement, c'est que dalle. Mais en même temps, il faut essayer de pas se brader, il faut essayer de jouer un maximum. Et après, il y a toujours cette histoire de savoir si on est DJ ou producteur. Alors, ceux qui ont la chance d'être les deux, tant mieux pour eux. Mais il y a des gens qui sont des très bons DJ et qui n'ont pas forcément des masses de composition en eux. Mmh. Et ils vont se mettre à faire des morceaux un peu pour pouvoir avoir un maxi qui va être le flyer, la carte de visite et tourner. Et à l'inverse, il y a des producteurs qui, dans l'idéal, resteraient bien derrière leur ordi ou dans leur studio, quoi. Donc, c'est ce truc, cette espèce de juste milieu qu'il faut trouver entre. Parce qu'aujourd'hui, on demande à chaque DJ d'être capable de produire de la musique. Donc, si le DJ est artiste et en a en lui, super, mais sinon, de temps en temps, vaut mieux vraiment travailler sur quelque chose qui soit personnel et identifié que d'aller produire un énième track de Microhouse ou de je sais pas quoi pour avoir son maxi, quoi. Mais on parlait tout à l'heure du statut d'intermittent, par exemple, ce gars-là là, qui vient d'avoir son agence, comment est-ce qu'il aurait intérêt, par exemple, à aller essayer d'aller choper le statut d'intermittent, Tony Vekran? S'il fait plus de dates, oui, certainement. Ouais. S'il fait pas plus de dates, non, parce qu'il remplira pas en fait le régime. Il est soumis à un nombre d'heures minimum qui doivent être faites pour pouvoir prétendre au régime. Donc avec deux dates par mois, non, parce que ça va être décalé. De toute façon, la question c'est pas est-ce qu'il a intérêt ou pas de le faire. On a toujours intérêt à être intermittent. C'est est-ce qu'il pourra ou pas le faire. Est-ce qu'il pourra le faire. Et là, je pense que non. Après. S'il fait 4 maxi par an, il va certainement tourner plus, donc il faut qu'il s'oriente là-dessus. Peut-être qu'il se trouve un bon éditeur aussi, parce que ça va être quand même un bon catalogue. À un moment, au bout de 2 ans, t'as 20 morceaux, ça peut tourner. Et ça peut être aussi une source de revenus pour l'artiste. Après, il faut se poser la question, effectivement. Je pense qu'un manager, ça aide aussi à un moment pour réfléchir à faire les bons choix dans sa carrière. Quand on commence à avoir du volume de sortie, une notoriété qui monte, parce que l'artiste n'a pas toujours la capacité à prendre du recul. C'est hypersensible, ça produit de la musique, ça dort pas beaucoup. Voilà, donc généralement, ils ont besoin de gens pour les entourer. Le booker, c'est bien. Le manager, c'est bien. L'éditeur, c'est bien. Et là, après, il est bien entouré pour construire sa carrière. Et effectivement, prétendre au régime d'intermittent, créer une boîte, être salarié par son booker, parce que c'est possible aussi. Hein. Le mec, il prend un cachet de 5 000. L'agence facture 5 000, salarié 2 005. Il en fait 2 par mois. Il se prend 5 000 par mois en salarié. Il peut cotiser, prétendre à une retraite. Enfin, donc, c'est une démarche qu'il faut réfléchir en fonction de la musique qu'il fait, du nombre de dates, effectivement. Et au moment où le revenu commence à rentrer, pouvoir envisager le plus long terme possible. Donc, mettre de l'argent de côté et avoir des gens qui conseillent pour ça. Quoi. D'accord. On va passer au producteur d'événements qui a les frais entre 8 et 12 événements par an. Il aurait une bonne affluence qui tournera entre 70 et 80% de remplissage de sa jauge. Mais il ne parvient pas à dégager de bénéfices, forcément parce que ce qu'il investit est énorme. Qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui? 8-10 événements, c'est quelle jauge à peu près? Ouais, on est sur une jauge qui tourne entre 500 et 1000 personnes. Ouais, Ouais, 8, 10, 500 000 personnes. Ouais, ça, c'est pas évident. Hein, ouais, c'est le moment difficile, en fait, parce que 500 000 personnes... On va couper au montage, hein, mais ça, c'est nous. D'accord. 500 000 personnes, c'est le difficile, parce que c'est vrai que le modèle économique, il permet pas de salarier beaucoup de personnes. Ouais. Donc, tu vas générer un petit peu de revenus à la fin de ton événement, sur, si t'as le bar, par exemple, tu vas te faire 1000 balles, 2000 balles à la fin de la soirée, ce qui va te permettre de réinvestir dans ton Facebook, dans ta com, dans ton truc, dans ton machin. Il faut faire plus. Soit en faire plus, soit faire des plus gros. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile de dire la course au gigantisme, faire plus gros, faire plus machin. Mais à un moment, on veut créer une activité. Quand on veut faire bosser 3, 4 ou 5 personnes, on peut faire plus de 8 ou 10 événements par an, je pense. Peut-être pas forcément des gros formats, mais des formats qui ramènent des sous. Sur des petits formats à 500 personnes, mais en faire 2 par mois, par exemple. T'as 52 semaines dans l'année, tu peux en faire une trentaine, quoi. Mais... c'est un rythme, c'est-à-dire que effectivement le format 500 000 personnes, 800 000 personnes, il est complexe quoi, il est complexe. C'est gros investissements, gros cachets, lieu cher, tu peux salarier une personne à la limite, mais le temps du projet. Non, je pense qu'il faut faire plus. C'est le statut bâtard en fait. Ouais, c'est un petit peu. C'est le statut médian, c'est celui qui est. C'est le statut qui est le moment où tu passes de la super fête avec ton collectif et tes potes à un truc qui va devenir. Dont tu vas perdre un peu le contrôle du public. C'est-à-dire que ça ne sera plus un public que tu connais, ça sera un public plus gros, mais du coup, tu es obligé de devenir plus professionnel et d'un coup, tu as une pression et des objectifs qui sont plus gros. Il faut que tu la remplisses, ta salle ou ton lieu. Ce qui veut dire qu'il faut que tu aies une com qui tienne la route, ce qui veut dire aussi qu'il va falloir que tu investisses, sauf si tu vas dans un lieu déjà existant qui te programme, mais si tu crées toi-même ton truc, il faut que tu investisses dans de la sécu, etc., dans du matos, de la régie technique et tout. Donc effectivement, c'est une période charnière où tu dois devenir plus gros, mais ça génère pas encore suffisamment de revenus pour te permettre d'avoir une structure vraiment... D'accord. Très prof. En faire plus ou moins gros. Ouais, en plus ou plus gros. C'est le format, t'as la notoriété, mais t'as pas la thune, quoi. ou alors accepter d'avoir un modèle hybride où t'as aussi d'autres activités qui peuvent être de l'édition, de la production de disques, etc. Enfin, en sachant que c'est pas le truc qui rapporte le plus d'argent quand même. Mais ce que je veux dire, c'est d'avoir un modèle varié. Il y a des organisateurs pour lesquels, et il y en a même des gros. Par exemple, on va prendre We Love. Les fêtes qu'ils font, c'est qu'une partie visible du conseil. L'événement, c'est l'entreprise. Voilà, exactement. Ouais, tout à fait. Je suis directeur de label maintenant. J'ai fait 5 maxi où j'ai vendu 410 de moyenne sur chaque release, ce qui est déjà pas mal. Et j'ai dégagé en plus un peu de bénéfices sur le digital. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? De l'édition. Ah ouais. Ça, il faut pas, si c'est un label, il ne faut pas chercher, ce n'est pas la sortie musicale qui va générer des sous, c'est l'édition. L'édition et de l'endurance, parce que pour qu'un catalogue soit rentable, il faut quand même apprendre une petite dizaine d'années, donc il faut être prêt à faire une course de fond. Quoi. Ouais, c'est sûr, c'est difficile. Label, c'est très difficile, ouais. C'est vrai que c'est très difficile, parce qu'en plus on sert les artistes qui tout de suite, eux, vont toucher des cachets, des trucs, et le label reste... Donc il faut peut-être que le label doit se diversifier, faire une agence de booking avec ses artistes, comme ça il génère du revenu complémentaire en bookant ses artistes, et donc c'est par exemple une possibilité en plus de l'édition. C'est ce que font tous les petits labels, hein. Ils sont un peu label, un peu booker manager, et un peu éditeur. Alors la difficulté, c'est de faire accepter aux artistes qu'ils soient leur éditeur, donc ils lâchent une partie de leurs droits à leur éditeur. En leur faisant comprendre que le label, qui est plus qu'un label dans ces cas-là, leur apporte aussi des débouchés, des revenus, etc. Et enfin, voilà, pour le coup, ça reste un artisanat et qu'il faut être prêt à tenir dans la durée pour durer. Et en espérant, c'est ce qui arrive à beaucoup de labels de musique électronique et ça leur permet parfois de tenir plusieurs années de suite, d'avoir des synchros. Et donc, pour en profiter, il faut être éditeur. Ok, d'accord. Et le dernier, on ne pourra pas tout faire malheureusement, je lance une jeune agence de booking, pardon, avec, disons, 4 à 6 artistes émergents, peut-être un qui est un peu déjà confirmé, qui tourne un peu. Qu'est-ce que je dois faire? Du marketing. Beaucoup de marketing, beaucoup de harcèlement. Du terrain. C'est les relations publiques, quoi. En fait, il faut faire connaître ces artistes pour les faire identifier. Donc il faut s'appuyer aussi sur le travail du label, le travail du manager, et puis avoir un super réseau, quoi. C'est les bonnes agences de booking, elles ont des bons artistes, puis elles ont des bons réseaux, et effectivement elles se font identifier, et puis elles se font entendre dans l'océan d'artistes et d'agences de booking qui essayent de booker leurs artistes dans tous ces festivals qui s'organisent dans le monde entier. Après, il y a un truc dont on parle, mais dont on parle pas tant que ça depuis le début de cette émission, c'est que là, on est quand même sur un milieu de musique de passionnés. Bien sûr. Donc, en général, quand on en arrive là, que ce soit un artiste qui commence à produire des maxis, quelqu'un qui commence à devenir booker, c'est parce qu'on fait partie de milieu, on sort dans ces soirées, on y traîne, on connaît les gens, on les côtoie. Donc, c'est juste ça qu'il faut continuer à encourager. Il faut mettre de l'huile dans les engrenages, etc. Mais donc, il faut juste continuer à côtoyer son milieu, que ce soit les artistes, les lieux, les bookers, etc. Et si on, en général, quand on fait ça par passion, de toute façon, on n'a pas trop à se forcer. Donc, il faut être présent sur les événements, il faut être présent auprès du milieu professionnel et il faut se faire connaître et avoir un peu le mordant, quoi. Mais en général, dans ces musiques-là, c'est un peu pour ça qu'on y est, quoi. Ouais, c'est ça. Très bien, eh bien merci beaucoup. On va terminer cette émission par une dernière rubrique que je laisse Léon introduire. Hold up, hold up! No, no, the roof! The roof is on fire! The roof is on fire! Dernière question avant de clôturer l'émission. Si votre appartement brûlait sous vos yeux, ce que l'on ne vous souhaite pas évidemment, et que vous aviez juste le temps de prendre 3 disques avant de vous sauver, lesquels choisiriez-vous? En fait, on m'a tellement posé la question que je me demande si je brûlerais pas avec ma collection de disques. Non, moi je crois que je l'ai. Enfin, non, je sais pas, ouais. Je brûlerais, je la laisserais toute brûler et je changerais de vie. Ouais, c'est un truc tragique comme ça parce que c'est tellement dur d'avoir 3 souvenirs. Moi j'en ai 2000. Après, si c'est la même question que les disques de l'île déserte. Moi, j'ai plus réfléchi à la question. Donc, j'ai 2-3 disques comme ça. Que... Ouais, quelques références. Ouais, c'est étonnamment. Moi, c'est pas forcément des musiques électroniques. C'est forcément A Love Supreme de John Coltrane. Si, parce que je pense que je prendrais Alcachofa de Villa-Lobos. Ouais. Et je prendrais certainement un Mingus aussi. Ah ouais. Enfin voilà, 2-3. Mais encore faudrait-il que je sois capable de savoir où ils sont dans ma dans mes armoires qui sont mal rangées. Tes disques. Non, désolé, faut que tu cours là. Ça m'est arrivé récemment, j'ai eu un petit problème de scooter en fait, et du coup, le premier truc auquel j'ai pensé en me relevant, c'était mon disque que j'avais dans le dos, et heureusement. Ah ouais. C'est ça la passion là. Tommy? Tu brûles avec elle. Je peux pas, j'ai trop de mal. Il a des clés USB, il s'en fout. Ah oui, en plus, j'ai digitalisé une partie maintenant. Je partirai avec mon disque dur. Voilà. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Nous, on se retrouve dans 2 semaines avec un sujet qu'on vous révélera en temps voulu. Merci d'avoir suivi Make It Deep. Et à très bientôt. Salut. Make It Deep. We'll be right back.